Je te le dis bébé, yeah. Il ne faut plus jouer, oh. Mais que ton cœur écoute, yeah. J'ai à te parler, parler, attention. Je ne te lâche plus, attention. Lorsque tu es parti, yeah. Comme moi j'en ai pleuré, oh. Mais à présent écoute, yeah. Si tu le refais, oh, et attention. Maintenant que nous nous retrouvons, je ne te lâche plus, attention. Je te l'ai dit, yeah, yeah. J'ai bien dit, yeah, yeah. Ne quitte plus ma vie sinon, yeah, fais attention, yeah, vraiment attention, yeah, yeah. Attention, yeah. Attention, attention. Oui, maintenant que nous nous retrouvons, je ne te lâche plus, attention, yeah.